suis depuis quelque temps le road movie de ses 20 ans. Je filme tout et je prends note. Je la dessine, je la pianote. Elle est depuis nos débuts de petits rires dans la rue, inattendu dans nos baisers, dans l'indispensable au salé. Ma jeunesse à 10 ans d'avance, et ses sourires sans balance. Sa jeunesse à 10 ans de retard, mais c'est si doux quand vient le soir. Je sais bien qu'elle est d'ailleurs, où sont faits autrement les cœurs, avec l'écho de ses mots rires. Je ne fais plus semblant de guérir. Je suis depuis quelque temps le tout premier des Mohicans. Je la poursuis là, pas pour cible. C'est ma réserve d'impossible. Ma jeunesse a de l'expérience. Mes caresses sont tentées et leur chance. Sa jeunesse est un peu en retard, mais c'est si doux quand vient le soir. Elle et moi, c'est si mieux que c'est déjà ça. Elle et moi, c'est si mieux que c'est déjà ça. Elle et moi. Le monde peut bien s'écraser en silence. Ça pour taire qu'il est jaloux qu'on danse. Il pourrait même champignon nucléaire défaire ce que l'on essaiera de faire. C'est le week-end dès le lundi, le mardi c'est samedi aussi, le mercredi c'est pas dimanche, le jeudi c'est encore nuit blanche. Et les 10 ans qui nous séparent, le vendredi on les répare. Sa jeunesse a 10 ans de retard, mais c'est si doux quand vient le soir. Elle et moi, c'est si mieux que c'est déjà ça. Elle et moi. Elle et moi, c'est si mieux que c'est déjà ça.